Chapitre 4. L'abbé Patrice. Au trot de sa bonne jument Lucine, Givry, suivi de Sulpice, se hâtait dans la direction de Pibrac. Tout en allant, il relisait une lettre qui venait de lui arriver, réponse d'ancien cousin, l'abbé Luc de Givry d'Estenac, à une demande de renseignement concernant l'abbé Patrice. 5 lieues séparent Pibrac de Toulouse, mais les chevaux, qui se reposaient depuis plusieurs jours, fournirent cette course en peu de temps, et vers 10 heures du soir, Roselin et Sulpice entraient dans la petite ville. De là, ils gagnèrent Saint-Front. La nuit était depuis longtemps tombée, et noire comme l'âme du diable, lorsque les cavaliers parvinrent au pauvre village. Un paysan, à la lueur d'une lanterne, soignait les bêtes de son étable. Roselin lui demanda la cure. « Tout droit, mon gentilhomme. Vous verrez l'église et adossée au mur du cimetière une petite maison basse. C'est là. » Le capitaine repartit. 2 minutes plus tard, il découvrait la demeure du desservant de Saint-Fond, un humble logis noir et ruiné. Roselin mit pied à terre et heurta au marteau de la porte. Après une courte attente, une vieille femme parut sur le seuil. « Ah, doux Jésus ! » s'écria-t-elle. « Je croyais que c'était le curé de la Haudriette. Que voulez-vous, messire ? Voir votre maître et lui parler. » La servante leva les bras au ciel. « Là, mon bon monsieur, voir monsieur le curé. Lui parler. Le pauvre cher homme est quasi moribond à 7 heures. J'ai envoyé quérir le curé du bourg voisin, et je pensais que c'était lui qui survenait quand vous avez frappé. Votre maître est donc bien bas. Oh oui, bien bas. C'est tout au plus si le saint homme a encore pour une couple d'heures à vivre. J'en suis navré, mais il faut absolument que je lui parle. Il s'agit de choses graves, urgentes. Et lesquelles l'intéresseraient à présent Jésus-Marie ? Il n'en a qu'une en tête, son salut. Précisément, son salut peut dépendre de ce que je viens lui demander. Effrayée, la paysanne recula et murmura. Quoi que ça peut bien être, donc ? Ma brave femme, commanda Givry, allez dire à votre maître qu'un gentilhomme désire l'entretenir sans retard au sujet du chevalier Hervé de Pont-Réal. La servante se hâta vers la chambre du prêtre à l'agonie. Rien que sur les réponses qu'il fera à ce nom, pensa le capitaine, je saurai si ce curé est mon abbé Patrice. Déjà la domestique revenait très agitée. Entrez, messire, monsieur le curé veut vous voir au plus tôt. Ah, qu'est-ce que vous pouvez bien lui apporter pour qu'il ait remué ainsi ? C'est lui, se dit Roselin, joyeux malgré l'ombre de mort qui planait sur cette maison désolée. Il suivit la paysanne. Avec précaution, elle le fit entrer dans une chambre située au fond du couloir et qui prenait jour sur le cimetière dont on dominait les cyprès et les croix dans la nuit. Le mobilier de cette pièce était des plus rudimentaires. Un mauvais lit, une table à peine équarrie, 2 escabeaux de bois et un coffre très ouvragé, véritable objet d'art qui détonnait dans cette chambre de pauvre. Sur le lit, un vieillard gisait, sans mouvement autre que celui des paupières. Un sifflement sortait de sa gorge, et ses yeux, animés d'une flamme singulière, se fixaient sur la porte par où entrait Givry. À la vue du baron, il essayait de se soulever, mais en vain. Roselin avait salué avec respect ce mourant qui avait eu une vie exemplaire de charité et de bonté fraternelle. « Soyez le bienvenu, » prononça le prêtre d'une voix courte. « Vous venez à moi en vous recommandant d'une personne qui m'est bien chère, et celle qui vous envoie. » Roselin se tut et regarda la servante. L'abbé comprit. « Martine, laissez-nous, » dit-il. Cet ordre frôlait la prière. Le capitaine s'approcha lors du lit du mourant. « Monsieur le curé, vous êtes l'abbé Patrice, n'est-ce pas ? Ne craignez rien. Je ne viens pas ici pour vous persécuter encore. » Je sais tout ce que vous avez fait pour Hervé de Pont-Réal. Où est-il ? Demanda le prêtre. À Toulouse. Rentré d'Italie depuis près d'un mois. Il vous a cherché et vous cherche encore vainement. Il se désespère à la pensée qu'il ne vous reverra plus. Il est à Toulouse. Oh, si je pouvais l'embrasser avant de mourir. Le vieillard exhala ces mots avec un tel accent de tendresse et de désespoir que Givry, touché jusqu'au fond de l'âme, s'empressa de rassurer son désir. « C'est facile. Mon écuyer est là. Je vais l'envoyer prévenir Hervé, qu'il ramènera. » Déjà, il se dirigeait vers la porte, mais l'abbé le rappela. « Non !» murmura-t-il. « C'est inutile. Il est trop tard. Quand il arrivera, j'aurai cessé de vivre. » Appelant néanmoins Sulpice, Roselin lui donna l'ordre. « Merci !» fit le curé de Saint-Fond avec un regard de gratitude émue. « À présent, que voulez-vous de moi ?»« Je suis l'ami d'Hervé. Il m'a tout conté de sa naissance et de vos soins tutélaires. Il était à la veille de demander la main d'une jeune fille riche, noble et de haut lignage. Or, Hervé n'a pas de famille. Le nom qu'il porte n'est pas le sien, et il croit être issu d'un rang élevé. C'est vous qui l'avez recueilli. Que savez-vous de lui et de ses origines ?» Depuis que Givry parlait, une sorte d'alarme intérieure convulsait les traits du curé de Saint-Fond. Après la question du capitaine, il resta un long moment muet. Sa respiration se fit plus essoufflée, plus rapide encore. Enfin, il articula. « La veille de paraître devant Dieu, j'ai de graves choses à révéler. J'attendais un prêtre. À lui, je me serais confessé. Il ne vient pas. La mort est toute proche. Et vous me dites qu'il s'agit de mon petit Hervé, de son bonheur. » Il s'interrompit, hésita. « Alors, écoutez, oui, je sais quels sont les parents de Hervé. Le seul mensonge que j'ai fait en ma vie, c'est de dire que j'avais trouvé cet enfant abandonné à l'âge de 2 ans. Mais ce mensonge était nécessaire. Le ciel m'en absoudra. Je n'en doute pas, mon père, » fit Roselin avec élan. « Pour que vous compreniez tout, il me faut remonter loin dans le passé. Ne craignez rien. Je puis parler encore. D'ailleurs, je le dois. Je veux tout vous dire. » Il sembla se recueillir une minute et reprit. Il y a un quart de siècle, j'étais curé du village de Tressac et chapelain du château de ce nom, vers Saint-Aurens. Ce château appartenait au sire Ludovic de Briancourt, haut et puissant seigneur fort riche, ami du feu roi Charles IX. Le sire était bon et généreux, mais d'écorce un peu rude, intransigeant sur les questions d'honneur. Il demeurait veuf d'une douce et belle jeune femme, Charlotte d'Allier, qui lui avait apporté une dot considérable. De cette union, après 5 ans, était né un fils, Hervé, dont la naissance coûta la vie à sa mère. « Hervé ? » s'exclama Roselin. « Alors, attendez !» fit l'abbé Patrice. Le sire de Briancourt pleura 2 ans la chère épouse avec laquelle il avait été si heureux. Pour se distraire de son chagrin, il passait ses journées à la chasse, en chevauchée lointaine ou en séjour à Paris, au Louvre. Pendant ce temps, le petit Hervé était élevé au château par une nourrice du pays et surveillé par une cousine de sa mère défunte, Christine de Vianne. Le prêtre s'arrêta. Belcoeur, muet, écoutait de toute son âme. Il pressentait une terrible révélation. Christine de Vianne, poursuivit le prêtre, avait 20 ans et une rare beauté. Son père était un petit gentilhomme du Quercy sans fortune. Mais la jeune fille était égoïste, vaniteuse et dévorée d'ambition. 2 ans après la mort de la dame de Briancourt, elle parvint à se faire épouser par Ludovic. Après le mariage, elle se révéla telle qu'elle était, et le château tout entier trembla sous sa domination despotique. J'y venais souvent et ne tardais pas à m'apercevoir que Christine n'aimait pas son mari, d'un quart de siècle plus âgé qu'elle. Quelle était son attitude à l'égard de l'enfant ? Entièrement indifférente. Bientôt, le château de Tressac devint un lieu de fête continuelle. Festins, bals, mascarades se succédaient sans arrêt. Ludovic laissait faire, se pliant à tous les caprices de cette femme. Coquette avec les jeunes gentilshommes qui fréquentaient au château, elle distingua un charmant seigneur, le comte Pierre de Trailles. Et cet homme devint son amant. Dieu le sait, repartit le moribond. Sur ces entrefaites, le roi Charles IX se rendit à Bayonne, où il devait avoir une entrevue avec la reine d'Espagne. Il pria le sire de Briancourt d'être du voyage. Pendant cette absence du maître, au château, la même vie de plaisir se déroulait. Christine avait une cour d'adorateurs, parmi lesquels, au premier rang, le comte Pierre de Trailles et Urbain de Mauvilliers. Mauvilliers ? Le lieutenant-gouverneur du Languedoc ? Le prêtre fit un signe affirmatif et se tut. Une souffrance contractait ses traits émaciés. Sa respiration s'oppressait davantage et un tremblement agitait ses mains d'ivoire. « Vous sentez-vous plus mal, mon père ?»« La faim approche, » déclare le vieillard. « Hâtons-nous, si j'allais ne pouvoir tout vous dire. » Rassemblant son énergie défaillante, il continua. « Une nuit, on va me réveiller. » Madame de Briancourt me faisait mander au château où le jeune Hervé se mourait. L'enfant avait alors près de 3 ans. J'éprouvais déjà pour lui une très vive affection et un peu de pitié. Quelle émotion s'empara de moi à l'annonce que la mort menaçait ce petit être que j'avais vu la veille, plein de santé et de vie. Je montai précipitamment au château et dès l'entrée, les serviteurs m'apprirent que le malheureux enfant n'était plus. Christine, la mine bouleversée, me raconta avec des sanglots que le petit avait succombé dans des convulsions. Je remplis mes devoirs sacerdotaux. Christine restait auprès de moi. Peu après, alors qu'au chevet du lit, je priais pour l'âme de cet innocent, un domestique vint annoncer à la châtelaine que le sire de Trailles désirait lui présenter ses compliments de condoléances. Elle sortit aussitôt de la chambre funèbre, et je demeurai seul avec le petit défunt. Je ne sais quel pressentiment soudain m'assaillit. Je me penchai et regardai les yeux, la bouche, le corps de l'enfant, voulant me rendre compte de la nature du mal qu'il avait tué. Pendant que je me livrais à cet examen, je sentis battre le cœur. Je crus être le jouet d'une hallucination. Je palpais, j'écoutais. Oui, le cœur battait. Hervé vivait à n'en pas douter. Pensée, quelle joie m'envahit. J'allais crier, appeler, mais je remarquai soudain la petite main et au bout des doigts les ongles bleuis. « Il avait été empoisonné !» s'écria Belcoeur. « Oui, » prononça le prêtre. « Dans ma longue carrière, j'avais vu tellement de fois déjà la mort sous tous ses aspects que j'aurais pu reconnaître la maladie aussi bien qu'un médecin. Ici, le poison avait fait son œuvre. Alors, écartant les lèvres et les mâchoires de l'enfant, je ne fus pas loin à découvrir, dans les interstices des dents, les restes d'une substance blanchâtre qui devait être la poudre criminelle dont on s'était servi. Un étouffement violent arrêta le curé de Saint-Fond. Il essaya de se dresser sur son lit, ne put y parvenir et retomba à bout de force. Givry s'était précipité. Il souleva doucement le moribond, lui fit boire quelques gorgées d'un liquide calmant, dont le prêtre avait déjà pris devant lui à plusieurs reprises pour animer sa volonté et apaiser sa souffrance. « Mon Dieu !» implora le mourant, « faites que je puisse achever. » Ses mains se joignirent. Il priait avec ferveur durant quelques minutes. Puis, la crise conjurée, il se remit à parler d'une voix de plus en plus faible, avec une oppression de plus en plus lourde. Et Roselin, sentant que le vieillard n'avait plus pour longtemps à vivre, se demandait si la mort n'allait pas interrompre brutalement le tragique récit qu'il entendait. « Donc, » reprit l'abbé Patrice, j'acquis la conviction qu'Hervé de Briancourt avait été empoisonné. Mais grâce au ciel, le poison n'avait pas encore entièrement agi. L'enfant était dans léthargie seulement. Sans doute la dose avait-elle été mal calculée. Tout révélé à cette minute s'était assuré peut-être la guérison de la petite victime. Mais je me trouvais en présence d'un crime, d'un drame familial. Si je parlais, je savais m'exposer à la vengeance de Christine. Un pauvre curé obscur n'eût pas pesé lourd devant sa haine. Moi, supprimé, nul doute qu'Hervé succomba à de nouvelles manœuvres, mieux concertées cette fois. Le sire de Briancourt, seul, aurait pu quelque chose, et il était absent, très loin, pour quelques mois encore. Une nouvelle crise survint, plus longue, plus douloureuse que la précédente. Le prêtre la supporta avec une stoïque résignation. « J'abrège, » poursuivit-il. Quelques heures après, les funérailles eurent lieu. Hervé fut descendu dans le caveau de sa famille, sous les dalles d'une petite église. À peine ceux qui avaient suivi son corps furent-ils éloignés, je descendis dans le sépulcre, décelai la pierre de marbre, brisai le cercueil, et dans une anxiété folle, je tâtai le cœur de l'enfant. Miracle, il battait toujours. Le cher petit être vivait. Je fis couler entre ses dents un filet d'élixir violent. Hervé revint à lui. Inutile de dire les soins que je lui donnais pour le guérir, l'arracher au poison. Une nouvelle défaillance interrompit le mourant. Effrayé, Belcoeur appela la servante. Celle-ci accourut, et tout en se lamentant, elle prodigua à son maître les soins nécessaires. Il recouvra un peu de calme, et Martine lui apprit que le curé du village voisin, que l'on avait envoyé chercher, s'était cassé la jambe en taillant les arbres de son jardin l'avant-veille. On avait fait immédiatement prévenir un autre prêtre. « Allez, Martine, merci, il arrivera trop tard. » La domestique sortit, l'abbé Patrice continua, crispant ses mains sur le drap de lin qui serait bientôt un suaire. « Aussi, je veux terminer, coûte que coûte. » 3 jours après la scène du caveau, j'amenai le petit Herbé au village de Pont-Réal, chez ma sœur, une fermière, veuve. J'avais soigneusement caché l'enfant durant ces 3 jours. Puis j'allai à Toulouse, je vis le vicaire général et sollicitai la cure de Pont-Réal. Je l'obtins 6 semaines après et je quittai alors Tressac et le château. Il aspira coup sur coup l'air qui lui manquait. En allant faire mes adieux à Christine, le matin de mon départ, je le surpris en négligé du matin et pus m'apercevoir qu'elle allait être mère. Et le sire de Briancourt était parti depuis combien de temps déjà? Depuis trop longtemps. Je dis à Christine que j'étais nommé à l'autre bout de la province. Elle me crut, je partis. Sitôt à Pont-Réal, je menai une vie très retirée, me consacrant à l'éducation du petit Hervé. Je dis dans le pays que j'avais trouvé cet enfant, abandonné sur la route, un soir que je regagnais la cure. Quand il eut 8 ans, je le mis au collège et fit tout pour qu'il devint un gentilhomme accompli. Tout mon avoir fut employé à cela. « Et vous avez réussi entièrement, mon père !» s'écria Belcoeur. Un rayonnement de bonheur illumina les traits du vieillard. Il halta quelques instants, puis reprit, d'une voix saccadée et sourde, « Cependant, je me tenais au courant de ce qui se passait au château de Tressac. J'appris ainsi que l'on donnait maintenant comme amant à Christine, Urbain de Mauvilliers. » Belcoeur tressaillit. Le passé s'éclairait d'une saisissante lumière. 4 mois s'écoulèrent, et l'on m'apprit que le sire de Briancourt, revenu de son voyage, une nuit, était mort subitement. Le bruit court que sa femme l'avait assassiné, avec l'aide de son amant. Il se tut, à bout de souffle, Roselin se pencha vers lui. « Mon père, arrêtez-vous un instant. » Le moribond secoua la tête et murmura. « Elle avait voulu faire disparaître Hervé, pour acquérir l'héritage de sa mère, Charlotte d'Allier. » Le père héritait du fils, mais elle, elle héritait de son mari, une fortune. Un râle jaillit. Belcoeur comprit que la mort était là. Et pourtant il voulait savoir. Il devinait que l'abbé Patrice n'avait pas tout dit. Partagé entre l'émotion de voir souffrir le prêtre et l'âpre désir de tout connaître du drame affreux, il hésitait. Mais le vieillard lui aussi avait la volonté de parler. Il ouvrit la bouche, malgré l'oppression violente et faiblement. Je mourrai sans confession. Les aveux en tiendront lieu. Dieu me pardonnera. Le sire de Briancourt mort, Christine affecta un désespoir inconsolable et vécut très retirée dans son château. Puis, Christine épousa quelque temps après le sire. L'abbé Patrice étouffait. Les yeux grands ouverts, il essayait de prononcer des paroles qui ne pouvaient sortir de sa bouche convulsée. « Elle épousa qui ? Le sire de Mauvilliers ?» interrogea le baron. « Oui, » fit le prêtre en abaissant les paupières. « Ah ! » s'exclama Belcoeur. « Et vous disiez qu'elle allait être mère ? Elle le fut ?»« Oui, » fit le vieillard, « de la même manière. »« D'un fils ? Une fille ? Oui, » répondirent les paupières seules vivantes dans ce corps déjà glacé. « Une fille ? » répéta Roselin bouleversé. Mais il y a de cela près de 20 ans. Alors, cette fille, c'est Violaine ? Oui, oui. Violaine ! Violaine ! Ah, malheureux Hervé ! Il ne peut pas épouser Violaine, il ne le peut pas ! En entendant ces exclamations du capitaine, le moribond fut secoué d'une émotion indicible. Sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'agrandirent, ses mains frémirent, il voulut parler, se dressa sur sa couche. Et soudain, un soupir s'échappa de ses lèvres. Il ne bougea plus. Il était mort. Au cri de Roselin, Martine entra, tomba à genoux et se mit en prière. Le baron l'imita et, du fond de son cœur, demanda à Dieu de recevoir l'âme noble, pure et dévouée de cet homme qui avait été si bon et si juste sur cette terre et qui devait monter tout droit au ciel.